Radio. Demain, 6h, c'est Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier, Marc-Antoine Nouniez et Mathieu Plante. Pendant les fêtes, soyez informés sur tout ce qui se passe en Mauricie en écoutant Que la Mauricie se lève dès 6h. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Exclusivité. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus.